ne peux plus vivre de toute façon. En tout cas, pas dans un monde si dégoûtant. Et qu'est-ce qu'il a de si dégoûtant, ce monde? Et dégoûtant parce qu'il n'y a ni loi, ni ordre, ni loi. Encore une instru, de plus qui pue la tristesse. Je serrerai bien leur tête entre mes mains en guidant le distress. Si je dresse un tableau à la manière de Pablo, tout tortueux, agressif, un truc vraiment pas beau. Pas de bouton, nous fait avancer comme des moutons. Tu crois jouir de quoi, le doigt posé sur le bouton. Une vie d'aloca, moi je plaide seul, une feuille et un stylo, pas de philo. Si je dois jouer l'avocat, ça part du cœur, c'est pour les frères, les sœurs du père. Ceux qui ont grandi sans père ni mère, dépourvus de repères. Putain quel salaire, de la peur, je connais que le salaire. J'essaie d'avancer, je veux pas finir, les fesses à l'air. J'ai jamais vu l'espoir si loin, l'amour s'est fait violer. Suspendu à la paroi de mes doutes avec un piolet. C'est trollé, faut consommer pour se consoler. Affolé, ici les keufs ressemblent pas à Axel Follet. Parfois je me sens comme l'enfant seul d'Oxmo. On tient encore debout même si la vie écrase nos dorsaux. On s'endort sous canard, je t'assure c'est pas le panard. Combien ouvrent leur bec et au final jouent les canards. Je rappe pas pour vivre, mais je vis pour rapper. C'est pour ceux partis trop tôt, ils sont là pour nous rappeler que tout ne tient qu'à un fil et qu'on peut toujours recoudre. Rien ne sert de couper court, c'est pas le meilleur des recours. Souvent on se renferme et les soucis se transforment en cernes. Putain, ça devient l'horreur quand la vision se transforme en scène. On ne récolte parce qu'on s'aime, soudé parce qu'on s'aime. Je suis devenu insomniaque parce que la nuit porte conseil. Tu vois pas, ouais, conseil, quelques rimes pour cautériser. J'ai toujours au fond de moi cette envie de tout pulvériser. Je dois me maîtriser, tant de choses qu'on peut pas mépriser. Je me sens épuisé de nous savoir toujours dans la visée.